que ce salon, c'est le premier salon du restaurant. Et ce salon, c'est le deuxième. Le restaurant a été fondé le 16 novembre 2010. C'est-à-dire que nous avons 13 ans d'existence. C'est un restaurant jeune, mais avec une vie intense, je pense, parce que nous avons reçu la visite de plus de 35 présidents ici. Obama, c'est le plus connu de tous. Et aussi, beaucoup d'artistes de Cuba et dehors de Cuba ont visité le restaurant, par exemple. Et dans cette table, a dîné Beyoncé et Jay-Z en 2013. Et la Kardashian, les Kardashians, ont dîné ici. Si vous voulez voir une photo des Kardashians, là, vous pouvez les voir. Kim Kardashian. OK. Vous pouvez voir les propriétaires aiment collectionner des choses antiques au restaurant. C'est comme un musée. Nous avons ici plus de 450 horloges antiques. Plus, parce qu'ils continuent en ajoutant des horloges. Alors, pourquoi les horloges? Parce que le temps, c'est important pour lui. Il aime collectionner des choses antiques. Vous pouvez voir, Jean Chrétien, le premier ministre du Canada, a été ici. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a visité le restaurant. Et cet homme, c'est le chef et propriétaire du restaurant. C'est un restaurant privé, 100% privé. OK? Venez avec moi. À l'intérieur, nous avons 5 salons qui sont plus privés, avec la climatisation, avec la décoration que vous avez, vous. Et cette terre, c'est différent. Les propriétaires habitent au deuxième étage. Il y a une terrasse grande ici, et l'air circule librement ici. Les personnes peuvent fumer s'ils veulent, ici. Décoré aussi avec des choses antiques. Presque toutes les affiches que vous voyez ici appartenaient aux entreprises qui existaient à Cuba avant 1959. Avant la révolution socialiste. OK? Venez avec moi. Ah, on peut fumer ici. On peut fumer. Oui, oui. Ah, ouais. Bon, cette partie, c'est le lobby du restaurant. C'est l'air où je travaille principalement, parce que je suis le portier. Je offre le tour parce que je pense que nous avons ici des choses qui sont intéressantes pour montrer, raconter aux clients. C'est comme un musée, comme j'ai dit. Vous pouvez voir une image de Saint Cristobal, le saint patron de la ville de La Havane. Vous vous souvenez que le restaurant s'appelle Saint Cristobal et le propriétaire s'appelle Carlos Cristobal. Et il a choisi le 16 novembre pour fonder le restaurant parce que c'est le même jour de la fondation de la ville de La Havane. Et c'est son anniversaire aussi. Bon, tout est lié. OK, venez avec moi. J'ai appris ici dans le restaurant que chaque président des États-Unis a un livre officiel où il place des photos sur les voyages qu'ils font autour du monde pendant leur gouvernement. Et Obama, de sa visite officielle à Cuba, a choisi 2 photos pour son album. Et l'une des 2 photos a été quand il a été dans le restaurant. C'est un honneur pour le restaurant. Et l'autre photo dans le stade de baseball, c'est près d'ici. Le baseball, c'est le sport national de Cuba, c'est populaire. Et le livre a été envoyé au propriétaire de Washington comme un cadeau. Okay. Et finalement, je pense que ce tableau est intéressant. C'est Obama avec des symboles cubains. La guayabera, c'est une chemise typique ici à Cuba, les cigares dans la poche et l'obélisque de la place de la Révolution derrière lui. L'artiste a utilisé les couleurs du drapeau cubain pour faire le tableau. L'ambassade des États-Unis a donné le tableau au restaurant. Ils ont fait 50 copies et ça, c'est le numéro 11. Bon, c'est une information basique sur le restaurant. Si vous voulez me poser une question sur quelque chose de spécifique, vous pouvez le faire.